La psychologie du pingouin de Robert Benchley. Benchley, bon, ça doit être dans le nom du fichier, mais ça s'écrit Benchley. Alors, bah, ça c'est un petit livre qui, sympathique, sympathique, qui passe tout seul. Alors, c'est un livre qui a quand même plus de 50 ans, qui date de la guerre mondiale, ou je sais plus, enfin en tout cas dans ces eaux-là, ou qui est sorti à la fin. Bah, c'est un livre humoristique, des petites nouvelles, dont la première s'appelle La psychologie du pingouin. En fait, tout est décalé, tout est très drôle, mais il n'y a pas vraiment de continuité non plus, donc voilà, c'est tout simple. Alors l'idée, c'est souvent de soit d'inventer des choses sur les sciences, bah, la psychologie du pingouin, les pingouins qui seraient complètement comme nous, quoi. Ou alors de, je sais pas, raconter une expédition en Mongolie, complètement surréaliste, ou expédition qui dure 8 ans. Ils ont passé 7 ans à Paris, ensuite 1 an à y aller, ensuite 15 jours à creuser. Et puis ils ont fait des trous comme des fous, et puis plein ont dû mourir dans les trous d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un peu. C'est surréaliste, mais c'est sympa. Voilà. Je me souviens plus beaucoup des autres, je dois dire. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, un livre marrant à lire, ouais, qui fait passer un petit moment sympa, des histoires très courtes, hein, une dizaine de pages maximum, je pense. Voilà, donc un petit bouquin à lire, humoristique, et un peu décalé aussi, parce qu'on a une vision des années, bah, d'il y a première moitié du 20e, et sur quelques points scientifiques, c'est intéressant, notamment tout ce qui est l'atome, là aussi il y a quelques bonnes blagues, quoi, quand le journaliste essaye de rentrer dans ce truc-là. Voilà. Donc, un livre sympa. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je crois que ça suffit. Et je me souviens pas de grand-chose. Mais bon. Voilà. Et avec une magnifique couverture dans mon édition de Lewis Trondheim, qu'on comprend mieux une fois qu'on a lu la première histoire. Voilà. Donc, c'était La psychologie du pingouin de Robert Benchley.